Babouane. Hein? Écoute Mokless. Ça. Babouane, Mokless, Crête Connex. Jamais dans la tendance. Ne joue pas avec le feu, MC, tu me suis. Sinon, tu risques de te cramer. Ah, ouais, ouais. Crête Connexion, ça. MC, écris sans laisser traîner tes doigts dans la boucle, que ce soit ta langue ou le barillet qui tourne cette fois dans ta bouche, car quoi qu'il arrive, y'aura pas le 7ème clic. Les petites stars du 7ème ciel ne feront pas leur 7ème clip. Si t'es pas doué avec le feu, on finit par se brûler à force de jouer avec le feu. C'est emmerdant, les moutons dansent. Et j'ai les crocs depuis mes premières dents. Jeu de mots, jeu de vilain, donc je suis très méchant. Mes rimes ont enterré mes chants. Et mes textes sont fiers quand leur mort à la pluie. Des feuilles sont vierges, les miennes font l'amour à la pluie. Donc une de mes larmes déclenche des tsunamis. J'ai les rimes dans le corps et le cœur sous la mine. Si tu veux pas qu'on dise que ta mort était lente, même ton gilet pare-balles ne pourra pas arrêter l'encre. Fais gaffe à ce que t'écris, si tu parles du cri, personne fera gaffe à ce que tu cries. Et si tu crains demain, ce sera parce que quelqu'un te calme. Reste la plume et reste calme. MC, fais gaffe à ce que t'écris, si tu parles du cri, personne fera gaffe à ce que tu cries. Et si tu crains demain, ce sera parce que quelqu'un te calme. Reste la plume et reste calme. MC, je te le dis au présent car ton style est imparfait. T'es un emblème, t'es un garrot, bras donc le sable. Ça me foulait. Et anus cousu, car un jeune mal aiguillé n'a pas d'échappatoire. T'es l'un écuyer sur un cheval qui part à l'abattoir. Sache que si tu dis de la merde aux enfants, ils s'enfoncent dans la merde. Certains font ce qu'on dit et peu disent ce qu'on fait. Car tes petits mots ne feront pas de grands mots. Donc avant de parler mytho, tu te tournes cette fois ta langue autour du micro. 15 euros pour autant des chapelets d'injures. 15 heures tu glandes à Châtelet et jure sur le Coran, mais oublie tes 5 prières. T'as remplacé le tapis par une serpillière. On dit tous des conneries, l'esprit dans l'armurerie. Moïse descend de ton, car aujourd'hui j'ai mûri. Parce que t'écris, si tu parles du cri, personne fera gaffe à ce que tu cries. Et si tu crains demain, ce sera parce que quelqu'un te calme. Reste la plume et reste calme. MC, fais gaffe à ce que t'écris, si tu parles du cri, personne fera gaffe à ce que tu cries. Et si tu crains demain, ce sera parce que quelqu'un te calme. Reste la plume et reste calme. MC, si tu veux pas que je te mette sur la touche, n'oublie pas de tourner ta langue cette fois dans ta bouche. Écoute ce que je te dis, réfléchir avant d'écrire le principal élément comme disait S2I. Je sais te faire mal sans te traiter, je dis pas n'importe quoi sinon je risque de regretter tes techniques. Mais ça n'a ni tête ni queue, joue pas avec le feu, t'es un modèle pour tous les types. 6MC, c'est comme ça ici qu'on te reçoit, car une parole peut se retourner contre soi. T'es mal poli, oh tu tournes pas rond, respecte le peura comme si c'était ton taron. Moi, pour l'instant, le rap c'est mon dada. Je l'ai croisé à dos, c'était plus sérieux que la lambada. Parole en l'air, retombe toujours sur ton crâne. J'ai choisi mon camp et j'espère éviter le drame. Ouais. MC, fais gaffe à ce que t'écris, si tu parles du cri, personne fera gaffe à ce que tu cries. Et si tu crains demain, ce sera parce que quelqu'un te calme. Reste la plume et reste calme. MC, fais gaffe à ce que t'écris, si tu parles du cri, personne fera gaffe à ce que tu cries. Et si tu crains demain, ce sera parce que quelqu'un te calme. Reste la plume et reste calme. Respecte la plume et reste calme.